mfumu nzambi ya mpongo tata tulendo matondo hotep chers frères et sœurs, je viens de lire le tout dernier post faisant référence à des techniques ou bien à des conseils, à des astuces. En fait, tout cela est toujours lié au monde professionnel. Il y a Darius qui a posé une question. Et par rapport à cela, j'ai donc écrit ce petit texte que je propose en méditation. Avant de continuer, je vais signifier que ce que je veux faire, c'est commenter ce texte. Si je commente ce texte sentence par sentence, élément par élément, il y a beaucoup à dire. Je vais d'abord rappeler une chose. La spiritualité ne doit pas être utilisée comme quelque chose avec laquelle il faut se référer pour résoudre nos problèmes matériels. Quoique la spiritualité nous permet effectivement de résoudre nos problèmes matériels, mais beaucoup de personnes ne savent pas comment. Dans le subconscient collectif ou dans l'inconscient collectif, lorsqu'on dit que la spiritualité permet de résoudre des problèmes, même voire matériels, beaucoup de personnes s'attendent à des formules magiques, à des rites, à des rituels pour résoudre des problèmes matériels. Et lorsque vous sombrez dans une telle attitude, vous n'êtes plus dans la spiritualité, vous sombrez directement dans la sorcellerie. Parce que beaucoup de personnes font des sacrifices rituels en Afrique, vont voir des féticheurs en Afrique pour résoudre des problèmes matériels. Et ça, ce n'est pas de la spiritualité. Le Kimuntu nous enseigne que nous devons explorer le champ de la spiritualité pour nous élever spirituellement nous-mêmes. Lorsqu'on s'élève spirituellement soi-même, on éclaire sa conscience, on éclaire son moi, et lorsque le moi, la conscience, est éclairée, en ce moment-là, à travers cette illumination de l'esprit, on a une meilleure vue de la réalité. On peut mieux entreprendre, on peut mieux comprendre le monde, on peut mieux s'investir dans les projets. C'est dans ce sens et uniquement dans ce sens que la spiritualité peut aider à une réalisation dans le plan matériel. Parce que, effectivement, rien ne se réalise dans la matière avant d'avoir été pensé dans l'esprit. C'est dans ce sens. Donc, c'est très élevé. Il ne s'agit pas de faire des rituels, de faire des sacrifices rituels, d'aller voir des féticheurs, de donner des formules, de magie pour attirer de l'argent, pour faire ceci, pour faire cela. Là, on risque de vous amener vers d'autres voies, des voies obscures. Et le Kimuntu le déconseille. Le Kimuntu n'enseigne pas ça. Alors, je m'en vais donc commenter quelques sentences que j'ai postées dans le tout dernier message. Je vais commencer par la toute dernière sentence. J'ai dit, apprenez à vous adapter. L'histoire de la vie, l'histoire de la nature nous enseigne que ceux qui survivent sont ceux qui savent s'adapter. Du point de vue professionnel, il y a des implications dans cette sentence. Nous sommes au 21e siècle. Peu de personnes savent même que nous sommes au 21e siècle. À partir de l'année 2000, nous sommes entrés au 21e siècle. Au 21e siècle, du point de vue professionnel, l'anglais est la langue internationale. Savoir s'adapter du point de vue professionnel au 21e siècle, c'est chercher à parler anglais. C'est cela de l'adaptation. Vous voulez une promotion professionnelle. Vous voulez, parmi autant de personnes qui passent des tests ou bien qui passent, des sessions de recrutement, vous voulez être parmi les meilleurs. Mais vous avez trop de lacunes en anglais. Comment, avec un niveau au rabais en anglais, en ce plein 21e siècle, vous souhaitez-vous être concurrent dans le monde de l'emploi? Comment? Il faut savoir s'adapter. Vous faites un commerce. Vous avez un magasin, une boutique. Au 21e siècle, on apprend à vendre en ligne. On apprend à vendre sur Internet. Comment cherchez-vous à être concurrent vraiment efficace, à être plus compétitif efficace de sur le marché si vous négligez les armes, les outils technologiques que le 21e siècle met à votre disposition? Il faut savoir s'adapter. Au 21e siècle, en matière de formation, il n'est plus... L'école est très importante. Mais l'école n'est pas le lieu unique pour se faire former. Formez-vous sur des plateformes en ligne. Il y a pas mal de plateformes en ligne pour se former, pour combler ces lacunes. Dans tous les domaines de la société. Beaucoup de personnes font passer leur temps sur Facebook, sur TikTok, sur Snapchat, sur des choses, sur ce que j'appelais des sangsues temporo-énergétiques. Ce sont des véritables sangsues. Vous connaissez des sangsues? Les sangsues sont des petites bestioles qui, lorsqu'elles s'accrochent à votre peau, sucent votre sang. Lorsque vous allez sur Facebook, sur TikTok, Snapchat, vous passez beaucoup de temps sans vous en apercevoir. Vous dilapidez votre temps de façon inutile. Avec cette même connexion Internet, vous aurez pu apprendre 2-3 mots en anglais sur une chaîne YouTube. Vous aurez pu suivre un séminaire en anglais sur YouTube. Vous aurez pu suivre une formation sur un site professionnel, des formations gratuites. Vous ne mettez pas les formations, les sessions de formation, les séances d'instruction au cœur de votre vie quotidienne. Ce qui est important pour vous, c'est de passer toute la journée sur des futilités. Même lorsque vous avez un emploi quelque part, après l'emploi, c'est ça, c'est la distraction totale. Vous ne pensez pas à autre chose. Pour vous, votre emploi, c'est la réalisation de votre vie. Vous vous êtes trompé. Apprenez à vous adapter. Il faut se former. Parce que nous sommes dans un monde compétitif, dans un monde où il y a de la technologie, dans un monde où les œuvres de l'esprit sont plus importantes que les œuvres de la matière. L'agriculteur qui va passer près de toute une journée à travailler sur un champ gagne moins qu'une personne qui travaille sur quelque chose qui va réaliser par exemple en 2 ou 3 heures. C'est ça la réalité de ce monde aujourd'hui. Une personne qui va travailler 2 ou 3 heures sur quelque chose va gagner plus qu'un agriculteur qui va travailler du matin au soir durant toute une journée. Les œuvres de l'esprit sont plus payées correctement que des activités que je qualifierais de purement matérielles. C'est cela aussi la vérité de ce siècle. Donc il faut savoir s'adapter. Nous sommes dans un monde où Il y a des métiers qui naissent et des métiers qui disparaissent. Donc, dans ce que vous faites, cherchez à être le meilleur. La meilleure façon de chercher à être le meilleur, c'est de satisfaire vos clients en matière de service. Et être meilleur, ça veut dire donner de beaucoup de soi-même, se sacrifier. Là où il y a des métiers qui disparaissent, vous comptez passer toute votre vie sur un seul métier. Vous ne voulez pas vous adapter à faire autre chose. Vous risquez de vous étioler. Vous risquez de vous perdre. Vous risquez de regretter le temps que vous perdez alors que vous aurez eu à gagner de beaucoup si vous avez maximisé votre temps dans l'auto-formation, dans les formations, pour vous adapter. Il faut s'adapter. Ne passons pas notre temps à nous plaindre de la société. La société est malade. Cherchons à guérir nos propres maux. En guérissant nos propres maux, nous allons contribuer ne serait-ce qu'à 0,0000001% à la guérison de la société. Et pour ce faire, nous devons nous adapter. Et cela touche tous les plans, et surtout le plan professionnel. Le plan professionnel. Tout le monde dit que j'ai déposé tel dossier ici, j'ai fait ceci. C'est vrai, il y a de la corruption, il y a des problèmes. Mais nous-mêmes aussi, nous sommes incompétents. Nous brillons dans l'incompétence, dans le manque des skills. Vous voyez, les anglophones ont créé un système de formation basé non pas sur des protocoles que je dirais traditionnel de l'école, comme faire une grande formation, je ne sais, en management, en gestion d'entreprise pendant 5 ans, 6 ans. Non, on vous dit par exemple que pour bien gérer une entreprise ou bien pour bien gérer une activité, il faut suivre une méthode. Ils ont créé, il y a plusieurs méthodes, par exemple les méthodes agiles. Qu'est-ce qu'une méthode agile? Vous vous formez dans les méthodes agiles. Vous avez une certification agile. Ça se passe en un mois et demi, en 3 semaines. Vous avez acquis de cette façon des skills, des compétences sur quelque chose de précis. Vous n'avez aucune compétence. Vous voulez faire des formules de fétiches, de marabouts pour trouver le meilleur emploi au monde. Ça ne marche pas. Vous ne lisez pas. Vous ne vous exprimez pas bien en français. Nous sommes dans... Lorsque vous êtes dans un pays francophone, cherchez à bien vous exprimer en français. Au bureau, c'est le français. Au bureau, ce n'est pas le français de la rue ou le français. Au bureau, c'est le français. C'est l'anglais. You have to talk in English. You are not able to talk even if a bit of English. You want to get a job. What is that? Donc, il est très important de s'adapter. Très important. Ne confondons pas les choses. Dans le milieu professionnel, il faut s'adapter. C'est le secret de la réussite. Et il faut bien se former. Et lorsqu'on a raté ses formations dans le passé, il n'est jamais trop tard. Avoir raté ses formations, avoir fait des diplômes au rabais, ne vous condamne point. Rattrapez-vous, formez-vous, auto-formez-vous, demandez de l'aide, cherchez à ôter tout ce qui est lacune en vous pour vous perfectionner, pour être le meilleur, pour mieux réfléchir, pour mieux concevoir, pour mieux designer des projets et lancez-vous. Telle est la véritable voie de la réussite. Mais ne cherchez pas une formule à la abracadabra pour pouvoir influencer ceux qui vont vous recruter ou bien pour pouvoir avoir des meilleurs postes ou avoir je ne sais quoi. Ça ne vous amènera nulle part. Nous sommes dans le monde de la compétence, dans le monde des technologies, dans le monde de l'anglais. Il faut savoir s'adapter. En Afrique, nous confondons les choses. Nous ne savons pas mettre en avant les choses qui relèvent de l'esprit, les choses qui relèvent de la religion, les choses qui relèvent de la matière. On confond tout. On ne sait pas classer, classifier, mettre la différence entre les choses. La véritable source de pauvreté en Afrique, ce n'est pas le fait de ne pas avoir de l'argent, pas du tout. L'argent, ça se crée, la richesse se crée. Mais c'est la corruption. Autrement dit, tout se passe dans la tête. La corruption, c'est une maladie mentale. Le fait de chercher toujours à réussir par des voies frauduleuses, c'est une maladie. Le fait de gérer une institution et de détourner des biens, c'est une maladie mentale. C'est cela la vraie source de la pauvreté. On ne veut pas valoriser la compétence. On ne veut pas valoriser la rigueur dans le travail. Comment vouloir réussir? Donc, le plus important, c'est l'instruction, l'éducation, savoir s'adapter. Dans le monde professionnel, voilà les vraies clés de la réussite. Priez comme vous priez, mais ne confondez pas le fait d'aller tous les jours à l'église ou à la mosquée à longueur de journée et de rentrer à la maison, de rester passif, d'attendre parce que vous avez prié des résultats, alors que vous êtes incapable de penser par vous-même, de réfléchir, de vous former, de vous auto-former, de demander de l'aide, de gérer bien votre temps. Et vous avez la foi dans la réussite. Vous ne réussirez jamais de cette façon. Jamais. Voilà pourquoi j'ai dit que la foi, le vrai sens de la foi, se trouve dans l'action. C'est quand vous agissez que la foi se vit. La foi se vit dans l'action. La foi ne se vit pas dans une espérance naïve et passive, dans l'oisiveté, dans la distraction. Vous voyez? J'ai eu à travailler l'après-midi. Je me suis reposé un tout petit peu entre 19h et 21h. Je me suis réveillé, j'ai travaillé sur pas mal de choses. J'ai bien voulu me reposer tout à l'heure autour de 4h, depuis minuit jusqu'à pareille heure. Et juste avant de vouloir me reposer, je vois ce message et je me suis dit, bon, c'est quand même assez sérieux, laisse-moi répondre. Je suis en train de répondre. Et quand je vais me reposer, peut-être qu'il sera 6h. Je passe mon temps à travailler. Je dors aussi, je me repose aussi, mais je passe beaucoup de temps à travailler. Chers amis, travaillons, c'est le plus important. Étudions, lisons, cultivons-nous. C'est ainsi que nous allons vraiment créer de la richesse. Ce n'est pas à travers une mauvaise compréhension de la spiritualité où vous chercherez des formules magiques, des formules à la genre d'abracadabra pour vous créer de l'argent. Ça, si vous le faites, vous risquez de sombrer dans la sorcellerie. Vous aurez des résultats, bien sûr, mais ça ne sera qu'éphémère. Parce que ce qui dure, c'est ce qui se mérite. Ce qui ne se mérite pas, ne dure jamais. Bonne méditation à toutes et à tous. Je ne vais pas continuer à commenter les sentences. Je veux m'arrêter à ce niveau. Fumunzambi yampungu tata tulendo matondo.